matè ou kon fè pliz ami ki yamou. Konè de zami ki liye parentèl amitye. Ne fini wè ki yanjou yon maye. Yon desive ki te peyi yon etranje. Mè yon di yon para trouve mezon pou te loje. La evite y partaje tout sa y te ka posede. Mezon y di pa y ka don li mato. Bébé qui fait la joie dans la famille. Et 9 mois après, et comme par hasard, pour pas ni jaloux, mon Dieu bat madame l'onde de Timbé. Mon calé, ses hommes devinent suivre l'histoire qu'à la. Sa moitié les dit, c'est que l'amitié aussi belle que l'amour. Surtout pas jamais croire qui se conseille, moi tel est basant. Si belle qu'il aime.